Bienvenue à FrenchPod, chers amis. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre première leçon de niveau avancé. J'aurai donc le plaisir de vous présenter ces podcasts avec la charmante Christella. Et moi, le plaisir d'être avec le charmant Amaury. Dans quel sujet allons-nous nous plonger aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va être dans un contexte de manifestation. Ah d'accord. En fait, le contexte de cette leçon, c'est un représentant syndical qui est au milieu d'une manifestation et qui exprime des revendications. D'accord. Ben, ne perdons pas de temps alors. On va écouter le dialogue ensemble. Camarades, nous sommes rassemblés aujourd'hui afin de mettre fin à des conditions de travail tyranniques. Avec votre autre déléguée syndicale ici présente, Mademoiselle Dupré, nous allons reprendre ensemble les raisons qui incitent les travailleurs français à se soulever dans un même élan de fraternité. Camarades, il est temps de réaliser un rêve commun, à savoir partager équitablement les fruits de notre dur labeur. Il est temps de mettre en place cette révolution qui annulera les avantages inconsidérés du patronat et de la classe dirigeante. Face à l'exploitation toujours grandissante du prolétariat, cette manifestation sera vue à l'avenir comme le premier signe de notre dignité retrouvée. Voici nos revendications. Il faut que la fonction publique soit revalorisée. Il faut allouer plus de ressources à la recherche. Enfin, notre mouvement veut pousser le gouvernement à augmenter le pouvoir d'achat. Camarades, le vent de liberté qui souffle parmi nous en ce moment provoquera l'arrêt de l'injustice. Ok, donc nous revoici. Donc vu les propos tenus, on a l'impression quand même que c'est même une grève qui est en train de se faire là. Oui, vraiment, on voit que le représentant syndical s'adresse avec beaucoup d'emphase aux manifestants. Oui, donc c'est clair, il a l'air motivé. Vraiment très motivé, et il essaye aussi de motiver les troupes, comme on dit. Oui. Et le premier mot qu'il utilise, bah, c'est le mot « camarade ». Donc le mot « camarade », il est souvent utilisé pour dire « camarade de classe ». Mais dans ce contexte-là, il est utilisé pour s'adresser à quelqu'un, notamment à des personnes liées par des activités communes. Là, on voit que c'est des personnes qui font partie du même syndicat, qui peuvent faire partie d'un même parti politique, par exemple. Mmh. Après s'être adressé une première fois à la foule, il va expliquer qu'il n'est pas tout seul pour défendre sa cause. Il est accompagné d'une déléguée syndicale, une déléguée, c'est-à-dire une personne choisie par un groupe pour parler, voter, représenter ce groupe, notamment lors d'une réunion. Et c'est une déléguée syndicale, une déléguée qui travaille pour le syndicat. D'accord, donc en fait, qui va jouer un rôle de second, en fait, par rapport au représentant, quand même. Oui, exactement. Elle va l'accompagner et aussi elle va l'aider à reprendre les raisons qui font qu'ils sont là aujourd'hui. Elle va donc répéter ses raisons, les lister. Mmh. Donc à deux, voilà, elle va l'aider à faire une liste des raisons qui incitent les travailleurs français à se soulever, en fait, qui vont les pousser à se soulever, qui vont les conduire à avoir ce mouvement. Ouais, à avoir ce mouvement, cet élan de fraternité, ce sentiment d'être tous ensemble, liés par la même cause. Voilà, pour encore mieux faire bouger les choses. Exactement. Donc comme tu dis, un élan de fraternité, pourquoi en fait ? Pour arriver à quoi ? Ils souhaitent partager équitablement les fruits de leur dur labeur. Qu'est-ce qu'on entend par là, en fait ? Les fruits de leur travail, très difficile. Le mot labeur n'est pas tellement utilisé, en fait, en France. C'est beaucoup moins courant que le mot travail. En général, on en parle... En général, on l'utilise plutôt pour désigner un travail extrêmement pénible et notamment une quantité de travail très lourde. Voilà. On comprend que c'était peut-être un mot de vocabulaire plus spécifique à des temps anciens. Oui. Quand les gens travaillaient beaucoup de manière plus acharnée que maintenant, en fait. Oui. Quand, par exemple, le travail dans les champs... toute la journée, sous le soleil, à l'usine, dans les mines. Voilà. Et là, il est vraiment utilisé pour que le sens des paroles de la déléguée soit encore plus fort, ouais, et plus marquant. Bien sûr, surtout qu'elle parle après patronat et de la classe dirigeante, donc vraiment pour que ce soit en opposition. Exactement. Donc justement, elle parle des avantages inconsidérés, des avantages excessifs, mmh, du patronat, des grands patrons d'entreprise et de la classe dirigeante. Et du fait qu'ils souhaitent mettre fin à l'exploitation du prolétariat et arriver à une plus grande égalité. Oui, et pour cela, ils ont plusieurs revendications, plusieurs exigences, ouais, et demandes. Alors, un... Ils souhaitent que la fonction publique soit revalorisée, qu'on lui redonne de la valeur. Mmh. Deux... Ils souhaitent qu'on alloue plus de ressources à la recherche scientifique. Et d'ailleurs, beaucoup de Français pensent qu'il faut qu'un budget plus important soit alloué à la recherche scientifique et à l'éducation. Et enfin, augmenter le pouvoir d'achat. Je pense que c'est une demande légitime. Ouais. Avec l'arrivée de l'euro, on a quand même bien souffert. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui ont augmenté les prix, étant donné que tout le monde ne savait pas faire exactement la conversion. On ne se rendait pas bien compte du prix réel des produits. Ouais. Et donc maintenant, l'euro, la valeur de l'euro a augmenté et le pouvoir d'achat a réduit. Ouais. C'est ce que les gens pensent, c'est clair. C'est ce que les gens pensent, ouais. Et donc évidemment, ils souhaitent pouvoir acheter plus de choses, pouvoir consommer plus. En tout cas, je pense que c'est une demande universelle. Et donc voilà, en reprenant notre cher terme camarade, on termine ce dialogue avec un espoir de plus de justice dans notre société. On écoute le dialogue à nouveau. Camarades, nous sommes rassemblés aujourd'hui afin de mettre fin à des conditions de travail tyranniques. Avec votre autre déléguée syndicale ici présente, Mademoiselle Dupré, nous allons reprendre ensemble les raisons qui incitent les travailleurs français à se soulever dans un même élan de fraternité. Camarades, il est temps de réaliser un rêve commun, à savoir partager équitablement les fruits de notre dur labeur. Il est temps de mettre en place cette révolution qui annulera les avantages inconsidérés du patronat et de la classe dirigeante. Face à l'exploitation toujours grandissante du prolétariat, cette manifestation sera vue à l'avenir comme le premier signe de notre dignité retrouvée. Voici nos revendications. Il faut que la fonction publique soit revalorisée. Il faut allouer plus de ressources à la recherche. Enfin, notre mouvement veut pousser le gouvernement à augmenter le pouvoir d'achat. Camarades, le vent de liberté qui souffle parmi nous en ce moment provoquera l'arrêt de l'injustice. Et nous revoici à nouveau. Ce n'est pas pour rien que nous avons choisi ce thème des manifestations pour cette première leçon de niveau avancé. C'est vraiment un thème très français, étant donné qu'en France, on aime beaucoup faire des manifestations, on en fait très souvent. Et on est connu internationalement, je crois, pour ces fameux événements. Est-ce que tu as déjà participé à une manifestation, Amaury ? Plusieurs fois, oui. C'est vrai ? Oui. C'était pourquoi ? C'était contre mon gré. Je me suis déjà retrouvé dans des manifestations sans vouloir y être. Mais comment c'est possible ? Je voulais traverser Paris. Et il y avait une manifestation partout, donc à un moment j'ai été pris dans la foule. Mais finalement, j'ai manifesté avec les gens sans vraiment savoir pourquoi. C'est pas vrai. Mais parfois j'y suis allé parce que je voulais vraiment revendiquer. Et donc c'est vrai qu'on a souvent des dirigeants, comme dans le dialogue ici, qui expliquent un peu à la foule ce pourquoi on est là. Qui rappellent le but de la manifestation et aussi qui sont vraiment là pour pousser les gens en fait à être encore plus motivés pour manifester et encore plus motivés pour revendiquer des droits des avantages. Bon alors on est d'accord, on n'est pas d'accord, le fait que maintenant manifester est un droit en France. Un droit dont on jouit pleinement. Exactement. Et donc voilà pourquoi c'était un plaisir de le partager avec vous aujourd'hui. On espère vraiment que vous avez apprécié cette leçon. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les sites internet. Oui, frenchpod.com. Et si vous avez des questions, on est là pour y répondre. C'était un plaisir, Christella. C'était un plaisir, Amaury, pour cette toute première leçon. Je suis toute émue. Au revoir à tous. À bientôt.